calendrier de changement d'horaire avait démontré que m'est arrivé. Et donc pour la première fois en deux ans, on a une salle qui n'est pas trop petite. Seul problème, elle est trop grande. C'est pas bizarre. L'acoustique n'est pas géniale ici, j'ai l'impression. Et donc, je vous propose donc de signer le... Déjà, la dernière fois, on avait déjà oublié la liste. Alors, comme toujours, d'abord, quelques informations pratiques. Et, alors, donc, on se revoit donc, dans deux semaines. Et je crois toujours à 15h. Et c'est moi-même qui ai perdu tout le monde le contrôle. Et, après, il reste une dernière séance à faire, mais franchement, je ne sais pas quand, parce qu'on met... Il y a une date indiquée sur le site, mais j'ai déjà vu cette date impossible parce que je serai en Italie. Donc, il faut que je négocie avec l'école une dernière date, c'est-à-dire un jour, une salle libre. Donc, ça peut aussi risquer de ne pas être un lundi, de ne pas être un mardi éventuellement. Je regrette, mais comme je dis, je ne suis plus maître de mon temps, malheureusement. Et en revanche, on devrait savoir dans les tout prochains jours si l'année prochaine on peut continuer ce séminaire au Collège international de philosophie. Il semble que les chances ne sont pas mauvaises, mais on m'a déjà demandé de le faire au deuxième semestre, c'est-à-dire entre février et juin. Et donc là, je pense que la prochaine fois, je vais vous le dire. Ensuite, donc, pour le 8 avril, donc le jour du prochain séminaire, donc le soir, donc, il y a un autre débat à la commune d'Aligre. Donc, si vous voulez expliquer brièvement. Oui, la commune d'Aligre, en fait, c'est Rue d'Aligre. Ouais. C'est une association, une grosse association. J'ai 1500 adhérents et on organise un débat sur le thème de l'horaire critique à 19h qui sera suivi d'un repas. Donc je pense que débat plus, pas conférence plus débat, ça va prendre 1h30 à peu près. Et ensuite on passera au repas. Alors la commune d'Aligre, c'est perpendiculaire, la rue d'Aligre est perpendiculaire à la rue de Charenton. Au niveau du 100 rue de Charenton, pour vous repérer, au niveau du 100 rue de Charenton, c'est le début de la rue. Là, après, il y a un café à droite à gauche et c'est tout de suite là. Ou alors par la place d'Aligre, c'est le 3 rue d'Aligre. Mais de toute façon, la commune d'Aligre, vous allez avoir le programme sur le site. Hein. Vous tapez commune d'Aligre, ensuite café associatif sur le site et vous aurez le programme du mois d'après. Enfin, alors c'est le 8, ça commencera à 19h, sachant que bon, le temps de s'installer, c'est jamais avant 19h15, 19h30. Les nouveaux étaient à 19h. Je pense qu'il y aura du monde. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres observations à faire avant le cours? Sinon, comme toujours, on le réserve pour la fin. Donc, la dernière fois, je vous ai exposé un peu la théorie de Danny Robert Dufour en les critiquant. Donc, je dis, malheureusement, je dois renoncer au débat public avec lui. C'est dommage, mais il semble qu'on le fera en octobre, en novembre, toujours dans un espace culturel à la mairie du deuxième. Et donc aujourd'hui, je voulais encore continuer un peu l'analyse, c'est-à-dire du discours qu'on pourrait appeler néo-lacaniste, avec quelques remarques sur un autre auteur qui s'appelle Charles Melman. Et je voulais également, après je voulais passer quand même aussi à l'examen de quelques sociologues contemporains. Donc aujourd'hui, je voulais parler, s'il reste assez de temps, de Alain Ehrenberg, notamment de son livre « L'individu incertain » et de quelques textes de Gilles Lipovetsky, notamment qui a écrit de nombreux livres, entre l'ère du vide, son premier livre paru en 83, jusqu'à son dernier livre qui s'appelle, je crois, l'esthétisation de la vie, quelque chose qui vient de paraître, mais qui d'ailleurs je n'ai pas lu. Alors, et la prochaine fois, donc je voulais passer à quelques sociologues plutôt anglo-saxons, donc notamment à Sigmund Bauman, à Benjamin Barber et à Richard Sennett. Évidemment, ce ne sont pas tous les auteurs que j'avais mis sur la liste, mais il aurait été impossible de les traiter, de les traiter tous. Peut-être il faut mettre peut-être un billet sur la porte en disant que ce n'est pas ici. Donc, alors, quel est donc aussi, donc, pourquoi donc, je voudrais examiner donc cette, un certain nombre de sociologues après avoir examiné d'autres auteurs plutôt, disons, que de la psychologie sociale ou de la psychoanalyse. Et parce qu'après avoir donc analysé, surtout déjà l'année dernière, essentiellement les bases de la critique de la valeur, et donc notamment le concept central du travail abstrait, donc il s'agit de certaine manière maintenant de donner vraiment corps à ces concepts, et surtout de démontrer en quoi ils peuvent constituer un véritable paradigme appliqué aux sciences humaines et sociales. Donc ce paradigme, donc, d'un côté, ce serait donc l'idée, donc, nous en avons déjà parlé assez souvent, donc, que le travail abstrait, la réduction de toute activité à une simple dépense d'énergie humaine, est devenue la forme des médiations sociales prédominantes depuis plusieurs siècles, va bien au-delà de la seule sphère économique, mais devient la forme de synthèse sociale, devient donc la forme que prennent toutes les activités sociales dans une société marchande, où je dis, l'activité prend la forme du travail abstrait et où la véritable finalité de la production, c'est l'argent. Donc nous l'avons dit et redit. Mais après, évidemment, il faut aussi voir comment cela se passe concrètement dans la société d'aujourd'hui. Donc Marx l'avait fait pour la société de son époque. Donc nous avons toujours une distinction dans l'œuvre de Marx entre une espèce de noyau, mais qui n'est pas atemporel, mais qui est, disons, valable pour toute société marchande, qui est donc l'analyse du travail, de la marchandise, de l'argent et de la valeur. Et d'une autre partie qui était évidemment lié à son époque, donc surtout à l'idée donc de la lutte des classes et du prolétariat. Et nous avons aussi vu qu'une périodisation similaire, on peut l'appliquer à la psychoanalyse, qui donc le caractère le refoulement donc classique avec la névrose décrite par Freud correspond à cette forme de capitalisme classique. Et nous avons donc déjà dit plusieurs fois que depuis plusieurs décennies, au moins depuis les années 60 du siècle dernier, donc on est passé dans une autre phase postmoderne du capitalisme qui quand même ne contredit pas la phase précédente, mais d'une certaine manière on porte à conclusion ces prémices. Et que la forme valeur, notamment, prend une certaine manière, on régit presque totale la vie sociale, et donc, et beaucoup moins liée qu'avant à une organisation hiérarchique de la société en classe. Et de l'autre côté, à la prédominance de la névrose classique, donc succède donc la perversion narcissique. Mais donc après, il faut donc quand même beaucoup voir dans les détails comment cela arrive dans la société contemporaine. Et c'est ici, évidemment, que l'apport d'autres auteurs sociologues et psychologues, psychoanalystes est fondamental. Et d'ailleurs, indépendamment de la question si ces auteurs eux-mêmes se proposent de critiquer la société qu'ils décrivent ou pas. Donc même chez un auteur qui est parfois apologiste jusqu'au ridicule parfois, comme Lipovetsky, on peut quand même apprendre parfois beaucoup plus de choses justes que par exemple chez certains auteurs marxistes traditionnels qui veulent encore lire tous en termes simplement de une perspective traditionnelle de classe est très liée, par exemple, à la richesse ou pauvreté purement matérielle. Donc je vais donc continuer à lire certains extraits résumés donc des auteurs que j'ai cités en les commentant avec une double intention. D'un côté, j'ai donc évidemment lu ces auteurs pour voir en quoi leurs analyses, sur certaines manières, confirment donc cette idée qu'il existe une centralité du fétichisme de la marchandise et du narcissisme. Donc ces auteurs, même si évidemment ils ne partent pas du tout du même présupposé que Marx ou la critique de la valeur, peuvent parfois, sans même s'en rendre vraiment compte, de dire à peu près la même chose. Donc, moins ils le veulent, plus c'est prouvant, je dirais même plus c'est une espèce de preuve. Donc, si quelqu'un qui veut faire l'éloge de la société contemporaine, comme Lipovetsky, dit quand même que l'individu contemporain est désubstantialisé, est complètement vide, donc ça devient presque une espèce de preuve, justement, parce qu'il ne dit même pas pour les critiquer. Où nous avons des auteurs comme Ehrenberg, qui dans son analyse de l'usage de la drogue et des psychotropes dans la société contemporaine, également, trouve beaucoup de choses assez vraies sur le caractère narcissique, même si peut-être il n'utilise jamais ce mot. Nous avons aussi déjà trouvé, encore plus chez Dufour, une convergence assez notable avec l'approche que j'ai proposée ici. D'autre côté, il faut quand même dire que ce qui manque à tous ces messieurs, c'est la dialectique, comme aurait dit Engels dans une remarque fameuse. C'est-à-dire la richesse, parfois assez grande, dans les détails de ces auteurs, malheureusement, ne les porte pratiquement jamais à avoir une espèce de structure conceptuelle qui vraiment leur permet de tenir l'ensemble, justement autour des concepts qui sont les concepts de la critique de l'économie politique. Donc là, je pense qu'on peut le dire pratiquement sans risque de se tromper. Donc il est vrai que certains de ces auteurs-là font des clins d'œil plus ou moins forts au marxisme, mais lorsqu'ils en parlent, c'est en général toujours au marxisme des plus traditionnels, donc plutôt donc à l'idée justement du conflit, du conflit social, de la question de la propriété, etc. D'autres, justement, en général, refusent assez nettement l'importance des idées de Marx et de toute manière le confondent avec les idées marxistes. Mais donc, là, évidemment, chacun est libre de le faire. On peut évidemment arriver à des conclusions assez importantes sans partir du tout des idées de Marx. Nous l'avons déjà vu chez Marcel Mauss ou Karl Polanyi, qui était non-marxiste ou même voire anti-marxiste, mais qui arrivait quand même parfois à une mise en discussion, par exemple, du caractère supra-historique de la marchandise et de l'argent, qui était parfois beaucoup plus poussé que chez certains auteurs qui se réclament de Marx. Mais ici, donc, le problème, c'est plutôt justement le statut de la critique de l'économie politique. Alors, d'abord, la critique de l'économie politique, je rappelle, ce n'est pas l'économie politique. Donc, la critique de l'économie politique, c'est donc évidemment le sous-titre du Capital de Marx. Et donc, c'est la description critique d'une société donc, qui est basée sur des catégories appunto, telles que la marchandise et le travail, et des catégories qui se présentent à première vue comme des catégories économiques, mais qui finalement structurent la vie sociale tout entière. Donc la critique de l'économie politique est donc nécessairement pas seulement une critique des conceptions des économistes bourgeois, c'est le premier niveau aussi chez Marx. Ensuite, elle est aussi une critique du fonctionnement de l'économie capitaliste, mais aussi à un autre niveau encore, c'est la critique d'une société de la société entière, de toute société, qui est basée sur l'idée même de l'économie, sur une autonomie de l'économie par rapport à d'autres sphères de la vie. D'ailleurs, on trouve même déjà en Histoire et conscience des classes de Lukács, d'ailleurs quelques allusions dans ce sens d'une critique radicale de toute économie. Par exemple, encore pour le... Juste pour le rappeler, donc si on parle justement du fait que l'économie marchande structure la société tout entière, il suffit de se rappeler que la définition la plus générale qu'on peut aussi donner d'une économie basée sur la valeur, que c'est dans ce genre de société, le concret existe toujours seulement comme une expression de l'abstrait. Le particulier n'existe que comme une manifestation plus ou moins donnée par hasard, plus ou moins interchangeable avec toute autre manifestation particulière de la seule chose qui compte, qui est l'universel. Donc l'univers, évidemment, nous l'avons vu en termes économiques, ça veut dire que tout bien, donc toute activité, toute marchandise, n'est compte que comme expression plus ou moins, je répète, interchangeable d'une quantité de valeurs et donc d'argent. Donc si l'argent finalement, si le 100 euros finalement trouve leur corps marchandise, comme le dit Marx, dans une bombe ou dans des jouets, c'est tout à fait secondaire. Donc à un niveau très général, on peut déjà dire que la société marchande, donc au-delà de tout fonctionnement économique au sens étroit, donc est déjà une société où il existe une espèce de élimination de la particularité et de sa subordination au général. Évidemment, cela ne veut pas dire que dans les sociétés précédentes, que l'individu humain ou le particulier en général était toujours respecté ou avait toujours une autonomie ontologique. Mais elle n'existait pas dans les sociétés pré-capitalistes, elle n'existait pas un principe général et purement abstrait qui réduisait pratiquement tout le reste du monde à n'être que cette manifestation temporaire et secondaire. Voilà pourquoi on peut dire que si on interprète la critique de l'économie politique en ce sens-là, donc pas comme une science économique, même pas comme une science économique alternative, mais comme la considération structurelle d'une société qui soumet tout à l'énergie dépensée sous forme de travail abstrait, alors là, on peut effectivement dire que la critique de l'économie politique est absolument centrale pour comprendre la société contemporaine. Et toutes les autres sociétés sociales humaines doivent quand même, de certaine manière, prendre position face au problème analysé par la critique de l'économie politique. Parce qu'autrement, ils risquent, de certaine manière, toujours de rester dans une optique positiviste, de rester une espèce de recueil d'observations, de statistiques, d'analyses partielles qui peuvent aussi être justes, mais qui finissent toujours pour, d'une certaine manière, pour rester justement un peu ce que Debord appelait donc une arme sans percuteur, donc une espèce de... même au-delà des intentions critiques, donc même l'analyse sociale, si elle ne réussit pas à saisir d'une certaine manière donc ce qui tient ensemble cette société à du niveau profond, risque toujours de se dissoudre à nouveau dans la considération d'une espèce de multiplicité de facteurs qui plus ou moins peuvent s'influencer l'un l'autre, donc qui peuvent avoir quelques rapports transversales. Mais là, on reste toujours un peu dans les niveaux ce que dans les universités on appelle l'interdisciplinaire. Donc l'interdisciplinaire, en vérité, c'est une espèce de leurre. Donc ça veut dire d'abord, il y a toutes les petites disciplines, la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, etc. Et après, on tente de relier plus ou moins fortement ce qui était né en tant que séparé. Évidemment, je pense que la critique de l'économie politique est justement un défi lancé à cette espèce de ce qu'on appelle aussi l'individualisme méthodologique dans le sens social, c'est-à-dire de commencer toujours par des facteurs isolés pour tenter, en fin de coller ensemble le morceau. Il est vrai que même beaucoup de sociologues et en général des personnes dans le sens social aujourd'hui sentent évidemment une malaise face au terrorisme positiviste qui impose toujours à chacun de rester absolument dans son propre jardin limité. Par exemple, justement, cet auteur, Ehrenberg, il écrit, par exemple, dans son livre « L'individu incertain » publié il y a déjà presque 20 ans, en 95, il dit « Si la spécialisation est une condition de rigueur intellectuelle, elle manque la transversalité. À l'inverse, l'exploration simultanée de plusieurs objets sans rapport apparent les uns avec les autres n'est pas condamnée à procéder par analogie. Elle est un genre d'analyse tout autant soumise à la contrainte d'argumenter. Si les sciences sociales sont des disciplines de l'indice et les chercheurs un chasseur qui les suit à la trace, par des chemins sans doute parfois tortueux, on peut espérer que la comparaison d'objets fournisse d'outils pour décrire par induction une conjecture globale et faire une critique de notre actualité historique. La démarche consiste à comparer des objets approchés en général, séparément en sociologie ou dans d'autres sciences sociales, afin d'examiner un problème qui ne se dégage pas de l'analyse de l'un d'entre eux, mais de leur mise en relation, souligné par l'auteur. Donc on sent évidemment que ce qui existe de plus sérieux dans la recherche universitaire, justement, tente de se dérober évidemment à l'atomisme positiviste pour tenter d'étudier la société dans l'ensemble. Mais comme je dis, en général, cela ne dépasse pas une espèce d'addition de différents facteurs. Et justement, ce qui reste aussi à développer, en vérité, on est encore juste au début, c'est justement de démontrer en quoi c'est surtout donc la catégorie du travail abstrait qui permet exactement cette espèce de regard unifié sur la société. Unifié, évidemment, ça ne veut pas dire une approche totalitaire, ça ne veut pas dire de déduire mécaniquement chaque élément concret à partir d'un seul principe logique. Mais ça veut dire de comprendre que c'est le propre de la société contemporaine, et pas de toute société humaine, mais de la société contemporaine, d'avoir tout soumis à d'un seul principe universel, abstrait et général, donc le travail abstrait, et qu'on ne peut pas comprendre pratiquement aucun phénomène contemporain vraiment si on ne le lie pas directement ou indirectement au travail abstrait. Donc c'est un peu le noyau de ce que j'ai dit ici, même peut-être vous êtes d'accord, mais c'est évident que probablement 99% des chercheurs dans le sens social hurleraient probablement des désapprobations et diraient que cela est une approche totalitaire. Et à laquelle, évidemment, on ne peut que répondre que cette société qui a donc certainement est totalisante, et donc la pensée doit saisir cette caractéristique propre de la société marchande au lieu de nier le caractère totalitaire de la société par une approche postmoderne qui finit toujours pratiquement pour noyer les poissons ou, comme on dit, en d'autres langues, où on ne voit plus la forêt, mais seulement les arbres. Donc c'est justement le problème de lien entre les différents niveaux se pose, par exemple, par des auteurs comme Dufour et Charles Melmont, parce qu'ils tentent quand même d'analyser le lien entre le changement dans la sphère psychique et le changement dans la société en général. Et en plus, ils trouvent chez Freud l'expression de l'économie libidinale ou de l'économie psychique. C'est Freud même qui avait déjà établi ce lien. Et donc, il y a évidemment quelque chose qui doit lier l'évolution dans la sphère extra-psychique sociale avec la sphère psychique. Mais il reste quand même là là aussi dans une espèce d'addition, parce que l'économie, quand même, pour eux, ça reste quand même la sphère de la production matérielle, et donc, et pas, évidemment, pas une forme sociale totale, au sens des mots, ce qui peut s'expliquer également dans la production matérielle et dans la structure de l'individu. Et donc après, nous avons parlé l'autre fois de Dufour. Donc Dufour tente un peu de résoudre ce problème en introduisant à la fin du livre que nous avons examiné le concept de transduction. Donc c'est un concept créé dans les années 60 par un épistémologue, Sismondi, un nom très similaire, et qui, d'une certaine manière, affirme qu'il y a donc des principes, des structures qui naissent dans un domaine social qui, après, d'une certaine manière, ils s'étendent aux autres structures et finissent pour les soumettre. Et donc, justement, Dufour tente de démontrer comment l'économie psychique, aujourd'hui, d'une certaine manière, reproduit justement les structures qui sont intervenues d'abord dans la sphère économique stricto sensu. Donc avec l'augmentation de énorme de la consommation, avec le développement de la publicité, etc. Donc évidemment, comme je dis, cette observation n'est pas fausse, mais je trouve qu'elle ne va pas assez loin, parce qu'elle ne comprend pas que ce n'est pas... Il n'y a pas une structure de base, il n'est plus question de base, de superstructure, comme dans le marxisme traditionnel. Il n'y a pas une économie qui vient avant et qui influence une superstructure culturelle, psychique, sociale, etc. Mais il y a une évolution d'une espèce de forme globale de la société, donc qui s'explique contemporainement sur les différents niveaux. Nous l'avons vu plusieurs fois, que d'ailleurs même le travail abstrait n'est pas, en ce sens-là, une base matérielle, parce que le temps abstrait dépend, nous l'avons vu, lui-même fortement d'un changement dans la conception du temps. Donc il y a le temps abstrait, donc la réduction du temps biologique, de rythme naturel, au temps de l'horloge. Donc vous souvenez peut-être que même Postone donne beaucoup de poids à cette évolution qui a eu lieu à la fin du Moyen-Âge. Alors la conception du temps, par exemple, ne peut pas être appelée quelque chose de matériel au sens strict, c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'ordre symbolique des choses. Par exemple, déjà cette circularité entre temps abstrait et travail abstrait, selon moi, démontre déjà qu'on ne peut pas du tout établir une espèce de priorité entre le facteur matériel et le facteur symbolique. Donc voyons donc un peu comment... Donc je veux donc justement commenter dans quelques passages choisis les trois auteurs, justement du point de vue donc ce que eux ils apportent à un regard différencié sur la réalité du travail abstrait aujourd'hui, et au contraire là où la considération du travail abstrait permet pratiquement de tirer véritablement les conclusions que eux de certaines manières ne semblent pas être à même de tirer de leurs travaux. D'ailleurs, je pense que vous avez compris l'autre fois que j'ai apprécié grandement beaucoup d'observations de Dufour, donc un regard très, très aigu sur ce qui se passe, sur les nouvelles frontières du capitalisme, sur le rôle de la séduction, et surtout sur l'idée de l'illimité, donc sur cette idée que le capitalisme pousse à dépasser toutes les frontières. Et beaucoup des mouvements d'émancipation ont participé exactement à cette quête de l'impossible, de l'illimité au nom de l'émancipation, en vérité, en poussant plus loin la logique du capitalisme. Et j'avais aussi souligné ce que je trouve surtout intéressant chez ces auteurs-là, c'est justement qu'il donne justement un fondement, d'une certaine manière, plus solide à l'idée que le capitalisme nous pousse à la barbarie. Donc, c'est maintenant devenu presque un lieu commun. Souvent, donc, on se réfère évidemment à toute une série de phénomènes comme l'augmentation de la violence, les guerres, donc le trafic d'êtres humains, etc. Donc, tout cela est vrai. Mais justement, ce qu'analysent des auteurs qui viennent de la psychoanalyse, comme Lesch, Dufour et Mellman, c'est justement de dire qu'il existe une espèce de fondement de toute société humaine qui est donc lié évidemment aussi dans un certain respect de la différence générationnelle et sexuelle, et qui est cette espèce de évidemment qui est liée à, évidemment, à l'interdiction de l'inceste, qui est peut-être une des très rares choses qu'on peut vraiment retrouver dans toutes les cultures humaines. Donc là, on peut vraiment parler d'une espèce de nature humaine, une nature qui évidemment est une nature culturelle. Et justement, ces auteurs ici, donc affirme que le capitalisme donc, n'est pas seulement une société injuste, ou n'est pas seulement une société de l'oppression ou de l'exploitation, mais une société qui a commencé dans les dernières décennies à ronger ce fondement même pratiquement de toute société humaine. Et naturellement, on pourrait objecter, peut-être il était temps de le ronger, peut-être il était temps de sortir de certaines choses que nous traînons depuis des millénaires, peut-être il était temps de finir, par exemple, avec l'interdiction de l'inceste, par exemple. Mais dans ces cas-là, il faut évidemment dire que tout cela, ce n'est pas du tout fait sur la base d'un débat général où veut aller l'humanité, mais pratiquement, le capitalisme fait, pratiquement, joue ce jeu extrêmement dangereux, simplement, pratiquement, pour continuer encore un peu à produire et à vendre des marchandises. Donc il n'y a aucun projet derrière, il y a pratiquement une espèce de déséquilibre total entre le risque qu'on court à très long terme et les avantages à très bref terme et très limités. Donc c'est un peu le même discours comme pour les OGM. Dans les OGM, évidemment aussi, l'humanité, le capitalisme joue avec le feu, et les conséquences peuvent durer pour toujours, être absolument incalculable. Tandis que les avantages, même s'ils existent, sont de toute manière assez limités et il y a peu qui en profitent. Et donc, justement, je trouve donc que des auteurs donc, Dufour, Mellman, ce néo-lacanien, ils peuvent d'ailleurs, surtout Mellman, prendre parfois des aspects qui peuvent sembler réactionnaires, ou peut-être le sont. Mais je trouve justement, donc, ici aussi, il faut prendre ce qu'il est de bon chez eux, c'est-à-dire qu'il offre vraiment une fondement très, très solide à l'idée que le capitalisme est donc une espèce de danger, même pour, certaine manière, pour la société humaine, pour l'idée même de société. Voilà tout. Et j'ai aussi dit, et après je m'arrête avec la répétition, je pense que les deux grands défauts de ces discours, par exemple chez Dufour et d'autres, c'est d'abord qu'il identifie cette espèce de dérive dangereuse avec la seule phase néolibérale du capitalisme, et avec la phase des dernières 40 ans, donc avec la consommation effrénée, donc avec la libération supposée de l'individu, etc. Il oppose même cette phase qu'il critique d'une manière très juste, même à la phase précédente du capitalisme, avec son sujet fort, avec ses hiérarchies, avec son rôle du père, etc. Donc, implicitement, il pense que quand même c'était mieux, de toute manière, il y avait là quelque chose auquel il faut se raccrocher. Tandis qu'évidemment, toute notre analyse ici, et porte au contraire sur l'idée que le dernier développement de la société marchande n'est sans qu'une espèce de radicalisation de ce qu'il portait dans son noyau depuis le début, la valeur dès qu'elle existe, ou dès qu'il existe dès que la monnaie se place au centre de la vie, de la vie économique et sociale. Donc, la monnaie porte en elle-même cette espèce d'anéantissement du monde, c'est-à-dire cette espèce de réduction du monde à une espèce de substance indifférenciée, toujours égale, donc la valeur et la marchande. Et nous avons vu que déjà chez Descartes apparaît le sujet qui correspond, un sujet sans contenu. Mais cela, ça a pris des siècles pratiquement pour se libérer de son entremêlement avec des caractères concrets qui venaient justement de sociétés non capitalistes. Et donc, nous avons aussi vu que c'est donc cette différence entre l'approche de la critique de la valeur et une approche comme celui de Dufour, devient absolument évident, par exemple, en traitant un auteur comme Immanuel Kant, donc, qui devient une espèce d'héros pour Dufour, donc l'élément d'un sujet fort de quelqu'un donc, qui est dans la régulation, dans la limitation de ses désirs, et donc pour cette raison est aussi maître de soi-même, tandis que la critique de la valeur, nous avons aussi vu dans les œuvres de Kurz, au contraire souligne beaucoup que cette liberté dont parle Kant, c'est le fait d'être maître de soi-même est déjà acheté chez Kant au prix d'avoir d'abord intériorisé toutes les contraintes de la société capitaliste. Seulement après l'avoir fait, qu'on a droit, de certaine manière, qu'on lui lève la laisse pour aller laisser seul. C'est évidemment le principe du panopticum du Bentham. D'accord, alors, donc passons, donc j'ai dit quelques mots donc, sur une autre auteur un peu de la même étable que Dufour, donc Charles Melmont, donc, qui est plus directement psychoanalyste, qui s'exprime seulement, je pense, de temps en temps sur des thèmes sociaux. Donc je me réfère à son livre « L'homme sans gravité », donc un livre fait sur en forme d'entretien, donc sur 300 pages, avec une autre psychoanalyste assez intéressante, Jean-Pierre Lebrun, qui d'ailleurs a écrit plus explicitement de livres sur d'ailleurs des thèmes qui nous intéressent ici, sur la question d'un monde sans limite. Et donc, d'ailleurs publié dans la même collection que les œuvres de Dufour, mais au moins dans ce livre, donc, je ne sais pas si vous l'avez lu, d'ailleurs Lebrun se pose face à Melmont presque dans la position de l'élève, donc extrêmement respectueux, donc qui cherche le verbe du maître. Donc Melmont, donc, il commence donc assez bien, donc il parle de la... Il dit qu'il faut penser un changement de grande ampleur aux conséquences anthropologiques incalculables. Donc, c'est effectivement, donc, un peu, évidemment, c'est le mot juste. Donc, justement, le capitalisme est en train actuellement d'opérer un changement anthropologique auquel participe aussi un changement épocal de l'inconscient. Donc, nous l'avons dit l'autre fois. Donc, Marcuse, dans les années 50, il espérait que l'inconscient peut changer, donc on peut, que l'inconscient, donc parle Freud, donc n'est pas situé hors de l'histoire. Donc Marcuse, dans Eros et Civilisation, misait sur une évolution de l'humanité en positive, mais nous avons vu qu'effectivement l'inconscient est assez flexible, et beaucoup plus de ce que Freud imaginait, mais que les changements qu'on a eus dans les dernières 50 ans sont en général semblent plutôt négatifs que positifs, au moins selon la plupart des observateurs. Et justement, Melmont attribue ce changement à la conjonction, dit-il, du développement des technosciences, de l'évolution de la démocratie et l'essor du libéralisme économique. Et d'un côté, évidemment, ce sont effectivement très facteurs, peut-être les très facteurs principaux, même si, évidemment, c'est trop étroit de se limiter, donc, justement, à l'idée du marché du libéralisme. Il dit, malement, c'est une véritable intériorisation du modèle des marchés que nous sommes en train d'assister. Un événement aux conséquences anthropologiques incalculables que l'on commence à peine à entrevoir. Évidemment, une phrase très juste, on commence à peine à entrevoir certainement ce qui nous arrive aujourd'hui, mais cela va quand même un peu au-delà du marché. Donc cette coupure anthropologique, donc je le répète, vient quand même de certainement de plus loin que simplement... Du modèle des marchés, autant plus que à la fin du même livre, Melmont affirme que le libéralisme commence avec la chute du mur de Berlin. C'est quand même, donc, en plus, ce livre était paru au début des années 2000. Il faut quand même dire que 12 ans, ce serait quand même un peu vraiment trop court pour opérer une révolution anthropologique. Donc, si le libéralisme serait d'origine tellement récente, il n'aurait pas pu opérer évidemment un changement si grand. Donc, Melmont parle donc justement de la nouvelle économie psychique. Il affirme d'ailleurs que les situationnistes étaient parmi ses précurseurs, mais encore comme une attitude d'opposition. Donc c'est un peu aussi, évidemment, un peu la ligne d'auteurs comme Boltanski, donc de voir en quoi justement le mouvement d'opposition donc ont contribué contre leur certaine manière, évidemment sans le vouloir justement, à la définition de cette nouvelle économie psychique. D'ailleurs, pendant deux siècles, dit Melmont, Hilbert, Gödel, donc les mathématiciens, Marx et Freud ont repéré le limite. Le siècle qui s'annonce sera celui de leur lever, plus d'impossible. Donc cette levée de toute forme d'impossible aurait commencé avec Foucault, Althusser, Barthes et Deleuze, qui proclamèrent le droit non plus au bonheur, mais à la jouissance. C'est-à-dire, personnellement, je ne vois pas trop pourquoi il a mis Althusser, donc j'ai peu de sympathie pour Althusser, mais je ne pense pas... On peut accuser Althusser d'avoir prôné nécessairement un dépassement de toutes les limites. C'est sûr que c'est vrai peut-être pour Deleuze, aussi pour Foucault, mais peut-être moins pour Althusser. Mais ce n'est pas si important. Alors justement, je pense un peu le concept important, c'est ici cette idée justement que le capitalisme a voulu dépasser toutes les limites, et c'est justement si aujourd'hui donc il y a un risque de barbarisation de la société, ça existe exactement dans le fait de enlever cette intériorisation de limites. Aussi parce qu'en vérité, ce qui en général pousse aussi à la barbarie, ce n'est pas tellement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations insupportables, parce que cela, ça a été le cas dans beaucoup d'autres sources, dans beaucoup d'autres moments historiques. Mais en général, la question, c'est toujours pourquoi il y a ce qu'on appelle le passage à l'acte. Pourquoi, évidemment, il y a des moments où les barrières que, de toute manière, en général, les individus intériorisent, les barrières, par exemple, contre la violence, pourquoi ces barrières, ils sautent. Et donc, justement, le capitalisme donc, pousse à la barbarie, pas seulement, justement, dans la création des conditions insupportables, parce qu'il n'est même pas dit qu'ils sont toujours plus insupportables qu'ailleurs. Donc. Mais, de certaine manière, parce qu'il a déconstruit systématiquement cette espèce de limite que toutes les cultures humaines, d'une manière ou de l'autre, ont pratiquement inculqué aux personnes depuis la plus tendre enfance. D'ailleurs, évidemment, en mélangeant les pires et les mieux, il y a des limites qui sont absolument très nécessaires à intérioriser. Il y a beaucoup d'autres limites que la société a fait intérioriser aux individus simplement pour perpétuer l'ordre social existant. Évidemment, en rétrospective, il ne semblait pas très positif que pendant des siècles et des siècles... les paysans ont intériorisé le respect de la respect de Dieu, le respect de l'Église, etc. Évidemment, la société, je veux dire, la société a toujours abusé de ce pouvoir d'imposer des limites et l'a fait à l'avantage des couches dominantes. Mais évidemment, ce qui est pratiquement remplacé dans les dernières décennies, surtout donc selon des auteurs comme Dufour et Melmont, c'est une abolition de toute intériorisation des limites, de toute forme de limites. Donc on n'a pas remplacé des limites absurdes avec d'autres plus justes, mais on a pratiquement mis en discussion l'idée même qu'il faut pratiquement une espèce de limitation de désir spontané de l'être humain. Et là, on retourne évidemment toujours à la thématique psychoanalytique. Donc pour le psychoanalyste comme pour les anthropologues, le premier désir qu'on doit réprimer, c'est évidemment le désir de la mère. Et donc là où cela n'arrive pas, on n'arrive que de manière superficielle, l'individu reste toute sa vie avec une idée plus ou moins consciente, implicite ou pas, que de certaine manière tout est possible, que ça veut donc aussi dire tout lui est dû et pratiquement qu'il a droit à tout faire. Il suffit pratiquement simplement de réussir à contourner la loi et trouver la façon de satisfaire ses aspirations initiales. Donc en général, donc si aujourd'hui donc on analyse donc aussi le tendance à la anomie sociale, au délitement social, justement, on ne peut pas seulement regarder ce qui fait souffrir les individus, genre le chômage, la pauvreté, etc., mais aussi ce qui pratiquement fait sauter le verrou pratiquement que leur empêcher d'exprimer, par exemple, leur rage d'une manière tout à fait directe et souvent d'une manière donc justement qui n'a plus rien à voir ni avec aucune forme de révolution, ou de changement social, mais donc typiquement avec par exemple le fait lorsque les révoltes prennent par exemple la forme d'un assaut direct aux marchandises, pratiquement pour se prendre la marchandise sans payer. Donc finalement, ce n'est pas une révolte contre, en vérité, contre l'économie, mais en général, c'est une révolte pour un accès direct et illimité donc, à la jouissance que promettent les marchandises. Mais justement, mais le processus ne dépend des personnes, autrement dit d'aucune idéologie. Il dépend uniquement des peuples dont l'expansion économique accélérée, magnifique, mondialisée, a besoin pour se nourrir de voir rompre les timidités, les pudeurs, les barrières morales, les interdits. Cela afin de créer des populations de consommateurs avides de jouissances parfaites, sont limites et addictives. On est désormais en état d'addiction à l'endroit des objets. D'ailleurs, Melman ne parle pratiquement jamais des marchandises. Le problème, c'est justement l'objet. Et ici, donc, on donne quand même, je dirais, justement, du point de vue de la critique de l'économie politique, on donne trop de poids à l'idée de la consommation et donc ce qui va avec, par exemple, la publicité et donc le désir de jouissance immédiate. Donc il semble donc ce qui a créé donc cet individu narcissique contemporain, là où les autres Dufour et Melman tentent de connecter donc l'économie psychique contemporaine à l'économie tout court, ils voient en général, ils donnent la faute à la nécessité du capitalisme avancé d'écouler énormément de marchandises et donc de faire consommer beaucoup de choses, beaucoup plus du nécessaire, et donc de bombarder la population donc avec une propagande incessante en faveur de la consommation des marchandises et de satisfaire tout besoin et tout désir sous forme de marchandises. Voilà aussi du four. En effet, par exemple, il donne par exemple beaucoup de points, nous l'avons vu, à l'œuvre du neveu de Freud et à d'autres, et en général à la publicité. Alors, ce discours-là, évidemment, n'est pas faux. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on parle contre la consommation et contre la publicité, on est presque toujours sûr de trouver beaucoup d'approbation. En même temps, justement, je dis que ce discours ne va pas assez loin, parce qu'il faut aussi se demander pourquoi il existe cette nécessité d'écouler en perpétuellement une surproduction de marchandises. Et ce qui est derrière, évidemment, cette espèce de nécessité par la production de grandir toujours, et cette nécessité, donc, elle-même, on l'avait vu, n'a rien à voir avec une espèce de... une satiabilité de l'être humain en tant que tel. Elle n'existe pas. Donc, en général, les personnes ne sont pas du tout insatiables des biens matériels avant que n'arrive la propagande capitaliste. Cette espèce d'illimité, justement, dérive du rôle central de la monnaie dans une économie marchande. Justement, là, nous retournons à notre mouton principal. Donc, toute forme de production donc, qui est une production de biens concrets trouve aussi ses limites. Une production d'argent est illimitée parce qu'elle ne connaît la quantité. Donc, nous avons vu, il n'aurait pas de sens. On peut échanger des pommes de terre contre une table, mais il n'aurait pas de sens d'échanger 100 euros contre 100 euros. On investit 100 euros pour en tirer 110. Donc, finalement, caractère d'illimité, donc ils décrivent assez bien ces auteurs-là, donc une dernière analyse due au caractère illimité de toute production d'argent, et donc ce caractère d'illimité est lié à toute société où l'argent joue un rôle central et devant la médiation sociale, et donc ce qui est le cas pas seulement depuis 50 ans, mais depuis 500 ans, mais même si pas toujours d'une manière accomplie. Mais, je répète, ce genre de considération, on ne le trouve pas du tout ici. Voilà pourquoi je dis, ça reste quand même une arme sans percuteur, ou comme disait tout le situationniste, ce sont des, comme disait, des recherches sans mode d'emploi. Donc, ce sont quand même. Donc, il manque de certaines manières le fil rouge qui tient ensemble. Donc, toutes ces observations faites ici, leurs explications sont beaucoup trop courtes. Et là, je répète, là, il faut justement, pour comprendre pourquoi ces analyses sont trop courtes, il faut justement les armes de la critique de l'économie politique. Alors, je me limite à quelques observations. D'un côté, donc, la limite de cette approche, si on est néo-lacanienne, est justement de voir seulement le côté liberté dans la société contemporaine. Mais le monde parle de la liberté totale où chacun peut publiquement assouvir toutes ses passions et qui plus est, demander à ce qu'elles soient socialement reconnues, acceptées, voire légalisées, y compris le changement de sexe. Mais justement, donc, ces auteurs-là, comme d'ailleurs aussi Michéa, ils ne voient que le côté permissif de la société contemporaine. Évidemment, il oublie qu'il y a beaucoup d'autres demandes qui ne sont pas du tout prises en compte dans cette société. Par exemple, la demande de vivre sans crainte perpétuelle pour sa survie matérielle dans une société qui étouffe donc, en même temps dans le superflu. Ou par exemple, le droit de se déplacer où on veut, de ne pas être chassé simplement parce qu'on est né par hasard quelques kilomètres au-delà de la frontière. Donc, il y a beaucoup de demandes extrêmement qui seraient assez faciles à satisfaire parce qu'elles ne dépendent que de l'ordre social et qui semblent plus difficiles que jamais à satisfaire, comme je dis. Ou de même que le besoin, par exemple, d'une eau, je ne sais pas, de trouver une eau saine ou de manger une nourriture saine, ou comme je dis, de se déplacer où on veut, même si par hasard on est né aux 10 km d'un côté ou de l'autre, de l'étroit de Gibraltar ou de la frontière gréco-turque. Dans ces cas-là, là où la société aurait vraiment le pouvoir d'intervenir, elle ne le fait pas. Mais comme je dis, cet aspect reste assez sous-évalué donc chez ces auteurs. Et justement, alors, lorsque Melmont dit « La grande philosophie morale d'aujourd'hui est que chaque être humain devrait trouver dans son environnement de quoi le satisfaire pleinement. Et si ce n'est pas le cas, c'est un scandale, un déficit, un dol, un dommage. » Cela est vrai par rapport à certaines choses, mais ne l'est pas du tout, je dirais, par rapport à d'autres choses. Et en même temps, donc, il y a justement ce regard aussi sur le particulier porte aussi à des observations très justes. Par exemple, lorsqu'il dit, donc la perversion comme économie libidinale est aujourd'hui au principe des relations sociales à travers la façon de se servir du partenaire comme d'un objet qu'on jette dès qu'on l'estime insuffisant. La société va inévitablement être amenée à traiter ses membres de la sorte, non seulement dans le cadre des relations de travail, mais en toutes circonstances, car son organisation même en dépendra. Le problème de la prolongation de l'existence, par exemple, va poser des questions qu'il faudra résoudre. La masse de vieux coûtera cher à toute une génération, et celle-ci devra trouver les moyens, avec des apparences honnêtes, de régler ce problème, c'est-à-dire de jeter ceux qui, après avoir servi, est devenu usagé, source de dépenses sans contrepartie. Par exemple, en incassant une prime d'assurance pour les héritiers s'ils acceptent l'euthanasie. Donc cette observation assez cynique, quand même, probablement risque un jour peut-être d'être pas trop loin de la vérité. Et justement, là, il touche justement une des grandes défis lancés par la société marchande dans son déclin. Nous en avons déjà parlé souvent. Donc justement, le problème du superflu, le problème donc de tout ce qui ne sert plus, pas seulement au sens matériel, mais aussi au sens humain. Et que donc aujourd'hui, l'exploitation est reste évidemment une réalité importante, mais reste quand même est devenue presque secondaire par rapport au problème de l'humanité, de l'humanité de trop, donc de tout ce qui sont surnuméraires, qui ne servent plus ni comme producteurs, ni comme consommateurs. Et donc cela, évidemment, aussi nous ramène là aussi à une fait d'économie politique, évidemment, à l'automatisation de la production et au fait que la création de nouvelles emplois dans d'autres domaines n'existe pas en vérité à long terme, parce que là, ce sont en général pas des travaux productifs au sens capitaliste, ce sont pas des travaux qui reproduisent le capital investi au début. Nous en avons parlé, je pense, l'année dernière, de la question du travail productif et non productif. Mais là aussi, justement, ce semble presque une question pour les spécialistes de l'économie, mais j'insiste, ce genre de thématique, justement, rentre par la fenêtre, de certaines manières, souvent sont, de certaines manières, un peu l'anneau manquante de la chaîne, justement, pour comprendre ce genre de raisonnement trop, de certaines manières, trop lié au phénoménal dans ce genre d'auteur. Autre observation intéressante, mais pour d'autres raisons, de Melmond, il dit que ce qui lie la nouvelle économie psychique et l'économie tout court, c'est qu'il s'agit en quelque sorte d'une nouvelle relation à l'objet qui fait que celui-ci vaut non pas par ce qu'il représente, par ce dont il le représente, mais par ce qu'il est. Donc cela se lie à d'autres observations sur le déclin de la fonction métaphorique et en général de toute capacité de symbolisation. Donc les choses sont toujours plus brutalement ce qu'elles sont. Et j'avais déjà cité l'autre fois une observation de Melman lorsqu'il dit « Le français tend à devenir plus iconique que verbal. L'image ne fonctionne plus comme représentation, mais comme présentation, une langue exacte, c'est-à-dire à se référer chaque fois à l'objet précis, un mot, une chose qui réunit les internautes. » Donc cette idée que la présentation a de plus en plus pratiquement dans la réalité, donc au degré premier pratiquement, est tellement écrasante qu'elle elle tourne pratiquement à estropier, disons, la capacité de l'être humain à symboliser les choses, à vivre dans une dimension symbolique. Donc cette observation se trouve aussi, par exemple, même exprimée avec un langage très différent, par exemple dans le livre « Du trop des réalités » de Annie Lebrun, un livre que j'ai trouvé très remarquable. J'ai quand même remarqué que cette idée qu'aujourd'hui, donc, la réalité écrase la représentation est quand même, de certaine manière, le contraire du concept de spectacle de Debord. Donc Debord affirme au contraire qu'il y a une espèce de disparition de la réalité face à sa simple présentation, face à sa simple à l'image. Et évidemment, il y a aussi toutes les analyses sur la virtualisation de la réalité et sur l'apparition de la réalité qu'on trouve chez Baudrillard, chez beaucoup d'autres. Donc moi-même, je ne vois pas encore, je pense que les deux discours sont vrais, mais je ne vois pas encore trop comment le lier. Donc l'idée, donc la disparition du réel et la disparition de la dimension symbolique, au contraire, une réalité plate qui écrase pratiquement toutes les capacités imaginifiques de l'être humain. Et ça, c'est plus que ce qu'ils disent là, le discours iconique, c'est qu'il n'y a plus aucun moyen de parler de quelque chose qui ne soit pas concret. Oui. On a l'impression dans des discussions avec des gens ou avec les adolescents, oui, ils sont incapables de penser quelque chose qui ne soit pas. Certes, tautologie, on sait. Oui. Ouais. Oui, comme on les voit d'ailleurs aussi avec le fait, par exemple, que les messages SMS sont toujours plus pleins de petites images. Et donc, on se demande même si on va aller à terme vers une espèce de nouveaux langages et des hiéroglyphes. Non, cette hypothèse a déjà été émise, évidemment. Donc, Un hiéroglyphe appauvri. Oui, bien sûr. ou des idéogrammes de toute manière. Donc, c'est sans idée. Oui, donc il y a donc, oui, donc une espèce de double écrasement de la réalité et de l'imagination. D'ailleurs, c'est aussi Annie Lebrun qui le présente un peu en ces termes. Moi, je pense qu'il reste effectivement encore à être pensé dans ces détails. Donc, ça dépend aussi évidemment du fait chaque fois qu'est-ce qu'on entend par réel ou par réalité. Donc, je passe assez rapidement un peu sur le fait que, évidemment, mais ce discours sait d'ailleurs qu'il risque d'apparaître comme une éloge du modèle religieux ou patriarcal. Donc Melman donc dit simplement que ça n'allait pas mieux, ça allait différemment. Et que, donc, ce genre de critiques donc, ne prônent pas simplement le rétablissement d'un discours patriarcal du père, mais simplement dit qu'il faut simplement connaître cette réalité, donc il faut connaître les effets pour pouvoir y réagir. Donc il rappelle justement que le libéralisme psychique fait miroiter la possibilité d'avoir des vies multiples, éprouver des jouissances diverses, explorer toutes les situations, même dans les identités sexuelles, avec parfois, évidemment, des effets de déréalisation. Ce n'est pas polygamie, c'est la polysubjectivité. Pratiquer simultanément ou successivement plusieurs parcours totalement différents d'un point de vue subjectif. Donc, ça veut donc dire que l'inconscient de l'homme libéral sera différent de celui de Freud. Il en naît donc des pathologies nouvelles, des individus qui ne se sentent jamais chez eux, même pas à côté de leurs femmes et de leurs enfants, dit Melman. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut facilement observer. Donc, je crois que nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Donc justement, la déstandardisation des parcours de vie ne porte pas seulement à l'idée de choisir ce qu'on veut faire dans la vie plutôt que d'être lié à une condition donnée par naissance, ce qui évidemment est positif, mais pousse en général à une espèce d'angoisse de faire plus de choses possibles dans sa vie, d'être un peu tout dans sa vie, donc certainement d'épuiser dans sa vie une multitude d'existences qui en général sont ou s'excluent l'un l'autre ou de toute manière donc, qui ne peuvent pas être faites dans l'espace limité qui est une vie. Et je vous avais déjà rappelé que cela crée d'ailleurs un fort sens de culpabilité dans l'être humain. Je l'avais aussi relié justement à l'idée du surmoi archaïque, donc introduit donc surtout par Lesch, donc cette idée, donc le surmoi externe, donc tu ne dois pas pécher, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas désirer la femme d'autrui, etc., est remplacé par un surmoi intériorisé, de cette manière, et pire parce qu'il dit tout le temps, c'est pire que tant pis pour toi, donc c'est ta faute, si tu ne t'amuses pas dans ta vie, c'est ta faute si tu ne vis pas assez, c'est ta faute si tu n'as pas assez de jouissance. Et si tu ne réussis pas, attends au moins d'acheter des marchandises qui t'en donnent une idée partielle. Et donc, cela d'ailleurs, a aussi analysé d'ailleurs, même par une sociologue dont je voulais parler la prochaine fois, Zygmunt Bauman, donc surtout dans ses vies sur la modernité liquide, la vie liquide, etc., qui analyse donc surtout aussi cette espèce de piège de l'individualisme moderne, où l'individualisme n'est plus une conquête, mais une espèce d'imposition de réaliser de réussir sa propre vie, mais on ne fournit plus, pas du tout aux individus, les moyens pour le faire. Donc en général, aujourd'hui, chacun vit un décalage énorme entre ce qu'il pense de devoir faire, non pour plaire à une autorité externe, mais pour plaire à soi-même, et ce qu'il peut faire vraiment, qui en général, souvent, est même plus limité qu'avant. Donc, ce qui crée donc un état permanent d'insatisfaction, pas avec la société comme avant, ce qui permet au monde, par exemple, de s'organiser dans un syndicat, typiquement. Mais une satisfaction permanente avec soi-même et contre soi-même, on ne peut pas entrer en grève, ni former un syndicat, ni faire rien d'autre. On ne peut que pratiquement que se mettre tout le temps au travail, doubler par exemple de régime si on n'est pas assez maigre, doubler de engagement si on ne trouve pas un travail, donc doubler de visites à la discothèque ou d'usage d'ecstasy si on ne trouve pas assez de partenaires, etc. Et donc là, on est évidemment dans l'état, effectivement, dans un état d'espèce de presque épuisement permanent, donc à la, un peu comme l'âne proverbiale donc, qui court derrière la carotte qu'on a pendue devant son museau. Et je répète, ce sont quand même des formes psychiques qui sont effectivement presque le contraire de la névrose classique ou du caractère basé sur une simple intériorisation des contraintes. Et quand même, je répète, il y a quand même, je pense, même dans la critique sociale, beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment saisi toute la portée de cette nouveauté, aussi justement de cette récupération d'une idée de la jouissance individuelle qui, en même temps, est ce que, de certaines manières, souvent risque de nous aliéner le plus, parce que qui nous fait courir le plus. Et c'est selon des règles qui nous épuisent. Moi, je l'avais déjà observé hors de toute sociologie, je me rappelle, en 81, donc j'avais fait un voyage en autostop aux États-Unis, qui sont évidemment toujours une longueur d'avance sur la vieille Europe, et j'avais connu quelqu'un qui avait donné un passage qui m'expliquait que lui, il devait travailler beaucoup pour s'acheter de la cocaïne, et il devait acheter de la cocaïne pour réussir à travailler beaucoup. Donc, il avait déjà exprimé de manière parfaite pratiquement le cercle vicieux dans lequel il était peut-être encore à l'existence avec quelque chose presque d'un peu subversif parce que lié à la drogue, etc. Donc, qui est devenu aujourd'hui pratiquement la forme prédominante. Donc, peut-être vous vous souvenez, donc, un article important de Robert Kurz sur la pulsion du mort du capitalisme, qui existe aussi traduit en français et que j'avais aussi mis, je crois, sur la liste des lectures, où justement, donc, Kurz n'utilise pas du tout le concept de pulsion des morts dans un sens biologique ou directement freudienne, mais comme une constante de l'être humain, mais comme le fait typique justement du capitalisme, où cette espèce de vivre dans un contexte de désubstantialité et vide produit pratiquement un désir chez l'individu de finir avec une situation insupportable où pratiquement donc on ne trouve nulle part une espèce de réalité à laquelle se confronter. Donc on va reprendre ce discours de Kurz peut-être à la dernière séance ou l'année prochaine lorsqu'on parlera surtout des massacres dans les écoles, donc du amok, du school shooting, où pratiquement cette pulsion de mort donc pratiquement assume un caractère absolument direct et visible. Dans beaucoup d'autres cas, elle reste donc implicite. Et donc l'idée qu'il existe un lien entre la pulsion de mort et le dérive du capitalisme, et cette idée est aussi venue à d'autres. Il y a 2 ou 3 ans, un livre est paru avec ce titre qui s'appelle, je crois, « Le capitalisme et la pulsion des morts », quelque chose du genre. Mais le livre était assez décevant pour ce que j'en ai vu, que c'était 2 économistes néo-keynésiennes donc, qui rabattent quand même ces concepts sur un niveau assez, vraiment, disons, simplement dans le sens de stratégie économique suicidaire. Donc, mais il manque donc également... trouve la pulsion des morts dans notre société contemporaine. Donc, le propre de la nouvelle économie psychique, c'est qu'elle n'incite absolument pas à contenir la pulsion des morts. Elle y aspire. Quand on n'a d'appétit que pour la satisfaction accomplie, le maintien de la vie ne constitue à aucun moment un facteur restrictif. Là, évidemment, c'est une affirmation où ils se réfèrent à l'opposition entre les principes primaires et les principes secondaires, donc les principes de plaisir et les principes de réalité par Freud. C'est vrai que les principes, comme dit Freud, les principes de plaisir en tant que tels, indifférent à toute conséquence parce qu'il n'a aucun horizon temporel. Là où le principe de plaisir donc, peut exister de manière pure, par exemple, dans les tout petits enfants ou dans certaines formes de psychoses, effectivement, on s'en fiche totalement de toute conséquence, même s'ils peuvent arriver après deux minutes. Et d'une certaine manière, donc, on peut. Donc le principe de réalité est justement. Qui commence très tôt, consiste dans le fait à nous enseigner pour notre propre bien de faire toujours un calcul si ça vaut la peine de faire certaines choses parce qu'on peut déjà anticiper leurs conséquences. Donc évidemment que ça peut... Déjà à partir, je ne sais pas, l'enfant peut trouver que c'est évidemment que ces trois trous dans le mur, que c'est très drôle, il faut y mettre les doigts, donc évidemment, parce qu'il n'a pas encore fait l'expérience, qu'est-ce que ça va arriver une minute, c'est-à-dire une seconde après. Ou il peut évidemment se jeter derrière une papillon, même si c'est devant, au dixième étage, derrière la fenêtre. Donc ce n'est pas seulement une question de curiosité, mais c'est aussi une question de préférer son plaisir immédiat. Et on peut effectivement dire qu'il y a beaucoup d'égards, donc, que le capitalisme classique est une société qui commençait à privilégier énormément donc, le principe de réalité sur le principe de plaisir, et donc portait en général aussi à un horizon temporel assez long. Donc, la forme la plus classique, c'est évidemment l'épargne. Donc l'individu capitaliste classique renonce peut-être même à toute jouissance immédiate pour mettre l'argent à côté pour sa vieillesse ou peut-être pour le prêter à l'État pour sa prochaine guerre ou pour le laisser à l'Église, etc. Mais on a souvent évidemment observé que le nouvel esprit du capitalisme consiste aussi dans un raccourcissement évidemment de l'horizon temporaire. Donc évidemment tout doit avoir des résultats immédiats, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la politique, évidemment, ou pratiquement même les hommes politiques ne prétendent plus du tout d'avoir des recettes qui vont au-delà peut-être de 2 ans. Et même les investissements en bourse, évidemment, tout cela se joue maintenant sur des horizons extrêmement raccourcis. Donc Melman ne parle pas seulement de ça, il voit cette extinction des morts, surtout dans le fait, il dit que en vérité, les individus, ils ont marre de tous, pratiquement du désir, ils ont marre de tout ce qui les fait trop bouger, qui les fait désirer quelque chose qui n'est jamais là. Les individus, il fait une opposition entre la jouissance, qui est un facteur immédiat, et le désir, qui évidemment est quelque chose qu'on n'arrive jamais, parce que ça se déplace toujours. Déjà l'autre fois, je vais rappeler que je crois Lacan même avait comparer les désirs à cet jeu maintenant. Cet jeu, il faut toujours déplacer une case. Il reste toujours une case vide dans un certain. Et on ne peut vraiment jamais y arriver. Et donc, là, donc selon Melman, ça nous porte un peu loin. Donc, il y a une espèce. Donc là, il n'y a plus de pères dans la société, il n'a pratiquement plus de désir parce qu'il n'a plus d'interdit, et donc il n'a pratiquement plus cette espèce de course derrière une réalisation qui de toute manière n'arrive jamais de manière parfaite, mais qui renvoie toujours quelque chose d'autre. Donc pour Melman, donc, au contraire, donc ce que les individus cherchent, c'est une jouissance immédiate et complète, qui pratiquement sans reste, qui pratiquement certainement donc remonte donc certainement à cette idée du, même si lui il n'utilise pas ces mots, cette espèce de nirvana, ce principe du nirvana qui donc exactement donc le désir de mort donc par Freud et qui nous ramène justement à la théorie du narcissisme chez Freud dont nous avons parlé au début de l'année. Et quand même, chez Lacan, la formule éthique, c'est de ne pas renoncer au désir. C'est oui. exactement dans ce sens. Pour, c'est la seule défense contre la jouissance immédiate qui ne, oui, oui. c'est extérieure. Tout ça. Donc, bon, si on part avec les désirs, on est maître de ça, si on sait désirer. Bon. Oui, donc dans le... Les désirs, dans certains moments, et donc ceux que nous projettent toujours dans une espèce de quête perpétuelle pendant toute la vie. Donc, évidemment, ce que nous dominons, c'est plutôt la quête que le résultat. Hein. Et justement, donc, pour terminer avec Melmont, donc, il émet quand même justement l'hypothèse que l'inconscient est vraiment, peut-être même en termes de définir, au moins l'inconscient tel que nous le connaissons, l'inconscient c'est lié à la lié au refoulement et à la sexualité. Donc elle dit donc donc l'investissement de l'inconscient a eu lieu après la fin de la Première Guerre mondiale avec la recherche de la jouissance et maintenant a lieu le désinvestissement de l'inconscient. La nouvelle économie psychique ne nous rend pas adultes, au contraire, nous émancipons du père, donc évidemment les lacaniens trouvent que c'est une illusion de pouvoir émancipé du père pour être libre. Mais il dit que cette nouvelle économie psychique fait de nous des nourrissons qui sont entièrement dépendants de la satisfaction, donc une satisfaction immédiate et de la jouissance qui, évidemment, en général, arrive sous forme de consommation de marchandises. Donc, ben évidemment, donc, comme je dis, nous ne sommes donc pas obligés donc, de prendre à la lettre toutes ces affirmations, mais je dirais que ce sont effectivement des pistes intéressantes pour voir de quelle manière effectivement le capitalisme est en train d'opérer vraiment une espèce de mutation rapide et profonde des structures psychiques que même l'inconscient est en train donc, de subir effectivement une mutation. Comme je dis, il faut aller beaucoup plus loin que ces auteurs pour en comprendre les raisons dans la société. Le rare fois qu'il parle du capitalisme, Melmont, par exemple, dit que la reconnaissance n'est plus celle qui vient du semblable, donc en termes d'honneur, de dignité, etc. Il n'y a de reconnaissance de soi pour les capitalistes et par là même pour tout sujet inséré dans ce régime que dans l'accumulation du capital. Quelle est la validité d'une telle reconnaissance, d'ailleurs de plus en plus incertaine car jamais suffisante, d'où le besoin d'accroître sans cesse le capital, sans aucune limite à cet effort. Donc évidemment, ici, on parle du caractère illimité de l'accumulation du capital, mais on le lit, je trouve, de manière un peu trop partielle, à la simple question de la reconnaissance donc, qui arrive... à travers, évidemment, une accumulation réussie. Donc, de même, dans ces considérations, on a parfois l'impression qu'il frôle l'idée du fétichisme de la marchandise, mais ça reste quand même, après, ça reste finalement, je trouve, trop vague, parce que plutôt que, c'est-à-dire la structure qui nous détermine est indiquée plutôt dans les langages, donc c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et ancien que le fétichisme de la marchandise. Et au lieu de la marchandise, le discours est sur l'objet. Donc, il n'y a plus de pilote dans l'avion où nous sommes tous embarqués. À sa place, dans le fauteuil, et c'est bien rassurant, l'objet. C'est l'objet qui, après le Dieu à figure animale, puis humaine, est advenu. C'est lui qui investit de l'autorité dans notre actuelle troisième phase. Parce que cet objet promet une jouissance illimitée, le plus de jouir. Justement, si cela, on les liait à un discours sur la structure de la marchandise, ça pourrait porter beaucoup plus loin qu'évidemment qu'une espèce de proposition qui reste, qui semble toujours un peu se tenir derrière de simplement de restaurer le sujet fort, évidemment, de l'époque d'or du capitalisme. Alors, dans le reste, encore un peu. Aujourd'hui, je me suis promis de terminer un peu avant, mais je voulais juste beaucoup plus rapidement donc, parler d'un sociologue, Allen Ehrenberg. Donc, peut-être vous en avez lu quelques livres. Donc, d'ailleurs, j'ai choisi aujourd'hui trois auteurs. Donc, un auteur comme Melman, qui est quand même. Donc, le discours se veut très critique, donc, surtout donc, par rapport à une société qu'il voit en pleine dérive. Une auteure qui se veut, je pense, plutôt neutre comme Ehrenberg, donc plutôt descriptif, où la critique est plutôt dans le détail. Et je voulais me référer donc, à un auteur comme Lipovetsky, donc au contraire, donc une auteure d'une nature donc, rigoureusement apologiste, donc, qui d'ailleurs analyse exactement le narcissisme que se réfère à Christopher Lesch et tout, mais avec une espèce de jubilation qui parfois... Et instructif, comme je dis, parce que c'est quelqu'un qui, bon, on pourrait un peu dire, qui vend de la mèche, justement, parce qu'il trouve ce phénomène positif, donc il ne tente même pas de le cacher ou de nier, par exemple, que l'individu contemporain est basé sur le vide. Donc il le dit ouvertement, parce qu'il trouve que c'est la garantie de la démocratie, donc ce qui nous sauve de toute forme de fanatisme ou de dictature, parce qu'en vérité, on ne croit plus en rien. Donc, d'une certaine manière, chacun est occupé exclusivement avec soi-même, avec sa consommation. Et donc, c'est là. Et selon Lipovetsky, la meilleure condition donc, pour être des adultes dans une démocratie, dans une démocratie où chacun respecte les autres, où personne ne tente d'imposer ses goûts aux autres. Je dis donc. Cela est dit de manière assez parfois cynique, assez naïve chez Lipovetsky, mais je dis, en même temps, c'est une espèce de auto-éloge de la démocratie marchande qui, justement, n'étonne même pas de se cacher. Alors, je voulais lire justement quelques phrases de Ehrenberg pour démontrer justement ce que j'entends quand je dis qu'il faut récupérer ce genre de recherche pour le insérer dans un tableau plus vaste de la société contemporaine qui donne sa centralité juste au travail abstrait. Alors il annonce son hypothèse de base en disant que c'est l'effritement des frontières entre les privés et les publics qui recouvre un processus peu visible, constatable empiriquement, mais difficile à interpréter et à théoriser, auquel nos sociétés sont de plus en plus confrontées. La subjectivité est devenue une question collective. Donc là, donc justement, Ehrenberg a beaucoup travaillé justement sur le... Sur le mur qui est tombé entre la dimension publique et privée, entre donc les citoyens, on pourrait dire entre les citoyennes et les bourgeois, et le fait que donc que ce que avant on appelait presque honteusement la vie privée ou l'intimité, la subjectivité, s'étale maintenant donc au grand jour et sont donc devenus donc des facteurs qu'on vit donc, en suivant des impulsions sociales. Nous sommes entrés dans une société de responsabilité de soi. Chacun doit impérativement se trouver un projet et agir pour lui-même pour ne pas être exclu du lien, quelle que soit la faiblesse des ressources culturelles, économiques et sociales dont il dispose. Donc c'était écrit même un peu avant qu'on ait lancé, par exemple, une idée comme le moi société par action. Par exemple, en Allemagne, on avait commencé à introduire ce concept pratiquement pour décrire ce que le chômeur devait faire. Donc, et chacun devait concevoir soi-même comme porteur d'une capitale humaine, donc une petite société par action, qui doit donc tout faire pour réussir à se vendre sur le marché du travail ou de toute manière, pour se trouver une manière de survie. Et comme toujours, donc, ce concept a été évidemment critiqué, ridiculisé. En Allemagne, la Société pour la protection de la langue allemande l'avait déclaré en 2005 que c'était le non-mot. C'est-à-dire le mot monstre de l'année. Mais évidemment, toutes les réformes sont allés bon train et ont commencé à diffuser cette mentalité, donc évidemment si chère à l'esprit libéral, donc chacun est responsable pour soi, même si évidemment les conditions de départ sont totalement différentes. Donc aujourd'hui, on en cite moins aux automatismes de comportement ou d'attitude qu'à être responsable de nous-mêmes. Et donc justement, ce livre qui d'ailleurs a déjà été publié quelques années avant le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Chiappello, analyse aussi déjà le fait que c'est déjà au 19e siècle, avec la figure du dandy, du artiste bohème, qui est né cette manière de vivre, donc dans l'incertitude, dans l'improvisation, donc avec l'idée de gérer sa propre vie, donc plutôt que de suivre un parcours déjà tout balisé. Donc, il s'agit donc moins d'une réplique générale sur la vie privée que de la montée de la norme d'autonomie. Donc, évidemment, il y a une espèce d'obligation aujourd'hui à l'autonomie, donc à ne plus attendre que des hiérarchies et des autorités résolvent le problème pour nous. Et donc un report énorme de responsabilité sur l'individu. Et ce qui fait justement, ce qui est le thème principal du livre de Ehrenberg, ce qui explique le recours si massif aux drogues au sens large, donc aussi par exemple aux psychotropes, aux amphétamines et à tout ce qui pratiquement qui aide l'individu à vivre avec cette charge énorme de responsabilité qu'il a, qui est infiniment plus grande qu'avant. Évidemment, la vie pouvait être aussi évidemment assez dure évidemment pour l'ouvrier de notre époque, ou pour une paysan, etc. Mais évidemment, l'individu n'avait pas du tout en plus la responsabilité pleine pour tout ce qui le réussissait et surtout tout ce qui ne le réussissait pas. Parce qu'avant, comme je dis, une fois, par exemple, qu'on s'est marié, l'affaire était en général conclue pour la vie. Beaucoup de travaux étaient pour la vie, etc. Après, ça pouvait être très déplaisant. Évidemment, le mariage comme le travail pouvait se révéler très souvent très peu agréable. Mais de toute manière, l'idée, c'était évidemment il fallait continuer. On ne se réveillait pas tous les matins avec la question « qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que je vais me séparer ou pas ? Est-ce que je vais chercher un nouveau travail ou pas ?» Travail ou pas, est-ce que je suis assez maigre encore pour avoir du succès? Et donc, dans ce contexte-là, donc, comme dit Ehrenberg, les médicaments psychotropes tendent plus à être des moyens d'augmenter ses performances et son confort psychique qu'une évasion à l'égard de la réalité, une forme de passivité ou un aspect d'hédonisme. Donc, le drogue aujourd'hui, en général, donc, ce n'est pas pour oublier la réalité, comme l'alcool classique. Donc, justement, c'est du dopage. Donc, en effet, le concept du dopage, on pourrait effectivement l'appliquer à beaucoup de secteurs de la vie. Donc, on sait le rôle énorme que ça joue dans le sport. Et c'est sûr que toutes les affaires connues du dopage dans le sport ne sont probablement que toute petite partie de la réalité. Mais en général, ce qui s'y étend de plus en plus, c'est évidemment que c'est une espèce d'individu chimiquement assisté, comme le dit Ehrenberg. Donc, voilà aussi pourquoi la drogue a connu évidemment le développement le plus spectaculaire, donc c'est évidemment la cocaïne. Donc la cocaïne, c'est évidemment et ensemble avec évidemment les amphétamines et d'autres, donc la drogue par excellence, donc qui permet de survivre dans la concurrence et d'être toujours prêt à travailler. Surtout, c'est peut-être, on la combine évidemment avec les tranquillisants au moment où il faut aller dormir. Et donc, il fait d'ailleurs un parallélisme intéressant entre donc, la drogue et la consommation, donc déjà au 19e siècle. Donc, par exemple, la kleptomanie des bourgeoises était expliquée comme une pathologie intérieure causée par la séduction des grands magasins. Il augmente à tel point les sensations qu'ils font perdre aux femmes éduquées tout contrôle de soi, au même titre qu'une substance psychotrope. Donc, de même qu'en général, donc on peut dire donc que la consommation, dit Ehrenberg, est née comme une machine à tentation, un assaut contre la discipline de soi. Elle intègre des significations esthétiques puisées dans le domaine de l'art à l'époque où celui-ci se constitue un marché, ce qui débouchera sur les arts déco, la publicité, le design, ce qu'on appellera plus tard la culture des masses. Et effectivement, donc, là aussi, il faut un peu reprendre les mêmes arguments. Donc, d'une certaine manière, il y a une espèce d'incompatibilité totale entre la consommation, la publicité, qui évidemment qui ne peut marcher qu'avec l'idée qu'il faut satisfaire immédiatement ses besoins, et même céder avec, toujours avec une espèce de sourire sur les lèvres, du genre, oui, je ne devrais pas manger le chocolat, mais je le fais quand même, qui évidemment est certainement incompatible avec toutes les techniques millénaires, certaines manières de soin de soi, de travail sur soi-même, de discipline. Donc, pendant des millénaires, donc, tous allaient exactement dans le sens inverse. Donc, inciter les individus, pratiquement, à, pas nécessairement à renoncer à tous leurs désirs, mais à une certaine manière de rester maître de leurs désirs et de décider aussi quand et comment les satisfaire. Donc, d'une certaine manière, tous même le dernier livre de Foucault parle exactement un peu de ça. Donc, évidemment, comment s'appelle ce livre? Le dernier livre de Foucault parle le soin de soi. L'usage des plaisirs. Non, l'autre, avec le soi dans le titre. Donc, le souci de soi. Justement, avec ces références à la philosophie stoïcienne antique, donc qui n'était pas une philosophie, une approche contraire, évidemment, à toute forme de désir et de plaisir. Ce n'est pas l'ascétisme chrétien, mais c'est évidemment, de certaine manière, l'idée, de certaine manière, de pouvoir, de certaine manière, on pourrait dire gérer, mais même gérer, c'est un autre mot typique de la publicité. C'est certaines manières sont ces plaisirs. On dit évidemment que toute la consommation, évidemment, marche exactement au sens, pour déstructurer évidemment toute possibilité de l'individu de garder le contrôle de soi-même. Et après, cela, justement, retourne dans des formes comme le régime alimentaire. Le régime se met à produire un sentiment de contrôle particulièrement fort parce qu'il procure une sensation de maîtrise et d'euphorie à une personne qui se sentait auparavant non seulement faible, mais déprimée et vide. Et donc l'autre chose qui est que la consommation et la drogue ont en commun est une espèce d'effacement de frontières entre le moi et le non-moi, donc entre le sujet et l'objet, et ce qui exactement nous ramène à la définition du narcissisme que donne Christopher Lesch. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, vous avez envie de lire ce livre de Lipovetsky, il a eu si vous voulez, le mérite effectivement de se référer à Lesch lorsqu'il n'était même pas encore traduit en français en 80. Donc évidemment, il l'a lu tout de suite, mais on peut dire qu'il n'a pratiquement rien compris. Donc il les rabat sur la seule question du culte de soi et de l'égoïsme, et donc il le détache totalement de son arrière-fond psychoanalytique, et surtout de l'idée que nous avons vue pour Lesch, le narcissique n'est pas du tout un individu fort, mais un individu faible. Donc c'est surtout quelqu'un qui tente d'effacer les frontières entre le moi et le non-moi, entre le moi et le monde, et qui peut le faire justement dans les deux formes parfois opposées, donc évidemment du désir de toute puissance et donc de la sensation euphorique de dominer le monde, par exemple à travers la technologie, et au contraire, donc le rétrécissement vers soi-même, une espèce d'union mystique, par exemple, avec la nature, dans certaines formes d'écologisme, de New Age, donc sont des formes opposées, mais dialectiquement liées, exactement de cet effacement entre le moi et le non-moi. Et là, je reprends donc un peu, justement, encore ma thèse de base, que justement, cette efface, donc cette incapacité d'établir des rapports avec le non-moi, avec l'extérieur, qui est donc si typique du narcissisme, cette espèce de rabattre pratiquement tout l'existant pratiquement à soi-même, et effectivement, donc, a peut-être toujours existé comme possible pathologie humaine, mais évidemment a eu un développement énorme avec le développement du fétichisme de la marchandise, parce que la valeur marchande fait exactement la même chose. Donc, elle annule toute différence, donc elle ne reconnaît aucun objet dans son autonomie, dans sa particularité. Donc, pour la valeur... La valeur désubstantialise le monde, donc la valeur donc réduit tous à des expressions quantitatives, donc de d'un travail sans contenu. Donc la valeur, de certaine manière, donc pour la valeur, le monde concret reste donc tout au plus une espèce de, comment dire, de remplissage, donc d'une espèce de coloriage de quelque chose qui n'a pas de substance propre. Et voilà pourquoi donc, le fétichisme donc, ne pouvait que développer donc, le narcissisme d'un moi désubstantialisé, donc pratiquement comme son porteur typique. Il faut donc terminer. Comme je dis, le livre d'Ehrenberg donc, est assez donc, détaillé aussi dans l'analyse donc, de pourquoi, de certaine manière, la drogue reste donc, la conséquence pratiquement logique de la figure de l'individu que s'est formé aujourd'hui. Et donc, lorsqu'il dit les qualités de disponibilité, d'ouverture à autrui, de négation et de communication sont exigées de chacun, alors qu'elles étaient tout à fait inconnues pour la majorité des gens il y a encore 30 ou 35 ans. Évidemment, pour aller travailler dans une usine, on ne te demandait pas d'être sympa, d'être communicatif, convivial, etc. Tout ce qu'on demande aujourd'hui dans presque toute annonce de boulot, hein. L'inhibition devient un handicap pour se insérer socialement et relationnellement, et la confiance en soi un atout croissant. Et donc voilà pourquoi la diffusion de drogues, surtout parfaites, est socialement acceptée comme le Prozac. Mais évidemment, cela comporte trois risques. Le fait de changer est de moins en moins une question de compréhension de soi, mais le fait d'être compris par un spécialiste. Ici, retourne donc la critique du spécialiste que nous avons aussi trouvé chez Lesch. Considérer la dépression comme une maladie et des difficultés croissantes à supporter des frustrations, faute de disposer des moyens de différencier souffrance pathologique et malheur ordinaire, sans assistance chimique. Ces difficultés ne peuvent qu'augmenter dans une société de responsabilité de soi, où l'échec scolaire, professionnel ou social est de plus en plus imputé à l'individu lui-même et conduit à des frustrations de masse qui ne connaissaient pas la société de destin, c'est-à-dire la société où les individus vivaient ce qui leur arrivait comme une espèce de destin souvent lié à leur naissance. Donc nous savons de moins en moins guérir, mais nous allons devoir de plus en plus accompagner. Donc il s'agit donc même pas plus de guérir d'une quelque pathologie particulière, par exemple d'une angoisse actuelle, d'une phobie, etc. Mais évidemment, donc les psychotropes deviennent une espèce d'accompagnement perpétuel, donc une espèce de béquille donc l'individu a besoin pour réussir à supporter la vie. Donc, et pas seulement donc, les plus malheureux, donc ce n'est même pas la question comme l'alcoolisme classique qu'on associe donc, à l'idée de ceux qui boivent pour oublier, et voilà pourquoi on écrivait, en Italie, on écrivait dans les tavernes que ceux qui boivent pour oublier sont priés de payer à l'avance. Mais donc là aussi, on a une espèce de nouvelle forme de subjectivité, ou d'ailleurs donc l'intégration technologique et l'intégration donc chimique de certaines manières peuvent aller donc dans le même sens. Dit toujours Ehrenberg, la subjectivité dans les machines, le circuit électronique dans le cerveau. Notre imagination repousse les frontières techniques et psychiques en alliant l'abondance relationnelle de la communication et la modification des perceptions de la drogue. Les nouvelles technologies alimentent positivement ce dont la drogue était investie négativement, la sensation pure, les contacts directs. Et d'ailleurs, donc, cette l'impression qu'il est que dans l'usage de certaines technologies et la drogue, qu'il y a quelque chose qui les lie, donc on peut facilement le concevoir si on voit évidemment l'effet addictif qui font très souvent surtout l'informatique. Donc toi, tu as fait une thèse sur ça, non, une mémoire. Et au moins le livre de Nicolas Carr, donc comment ça s'appelle il cite d'ailleurs aussi de nombreuses études même médicales, donc qui effectivement semblent démontrer que même vraiment aux structures neuronales, donc il y a une espèce de lien entre l'addiction à l'informatique et l'addiction à la drogue. Donc l'usage répété de l'informatique ferait de certaines manières de circuits donc dans le neurone qui ont tendance après donc à rester stable s'ils ne subissent pas d'autres. La notion de jeu aussi, hein. Ouais. Comme les casinos, c'est pareil, hein, c'est l'effet d'addiction, ouais, ouais. De hasard. Oui, en effet, donc il cite justement Ehrenberg, donc il cite donc à part la drogue, donc il cite également des toxicomanies sans drogue, pathologie alimentaire, addiction au jeu, au travail ou au sexe. Donc ce sont évidemment autres quatre formes parmi les plus répandues, mais qui évidemment n'ont pas tous le même caractère. Et donc, selon moi, ce que les écrits d'Ehrenberg démontrent aussi tout le bien qu'une critique sociale peut aussi tirer d'ouvrages qui eux-mêmes ne se proposent même pas de faire une critique générale, mais qui en vérité apportent quand même à des conséquences, si on veut, assez noires, parce qu'il dit pratiquement que le sujet moderne, pratiquement, ne peut plus se concevoir sans une assistance chimique perpétuelle, sans des thérapies et sans une assistance technique. Mais de plus, ils doivent le cacher. Hein. Ouais. Le cacher, c'est-à-dire que dans l'entreprise, énormément de gens prennent des antidépresseurs ou prennent des excitants, mais ils doivent absolument le cacher. Ouais. Ça doit être une forme naturelle d'adhésion aux valeurs, par exemple, de l'entreprise et qui communique un certain optimisme en soi, en dehors de tout support. Si, c'est vrai. On dit que, par exemple, boire des quantités modiques d'alcool en commun reste un rituel social. Donc, de prendre tous ensemble son Prozac, ce n'est pas encore devenu une forme de sociabilité. Pardon ? Je dis, sur le Prozac, il y a eu quand même, je dirais, on en est revenu, parce qu'il y a des gens qui se suicidaient avec le Prozac. Ils avaient envie de se balancer sur les boîtes, sur la bagnole, de sauter par la fenêtre. Donc il y a des pays qui ont interdit le Prozac. Oui. En France, on n'interdit rien, donc on avait interdit le Prozac. Oui, oui je me sens. Enfin, on n'interdit rien comme psychotrope. Si je voulais dire, on a interdit la hashish, par exemple. Ben, je ne suis pas trop expert, mais je crois quand même que les psychotropes les plus répandus dans le monde, c'est le Ritalin qui est aux États-Unis. Oui, donc je pense une cinquième des enfants, au moins, voire davantage. Le Ritalin, la composition chimique, c'est presque pareil de la cocaïne. Non, du speed. Au contraire. C'est l'amphétamine. de l'amphétamine qui sert à calmer. C'est de l'amphétamine. La ritaline calme plutôt, donc c'est pour les enfants qui ont un appétit hyperactif. Ce qui est très étrange, c'est qu'il y a des formes d'amphétamine qui vont avoir à certaines doses un effet calmant. Ah ouais. De tout étant justement dans des petites doses pour être plus exact. Donc les enfants qui ont pris de la ritaline, ils sont très calmes. Et plus tard, ils seront poussés à se droguer. Oui. Donc, on transforme les enfants en légumes. Ouais, quand ouais. Ils étaient vivants, on en fait des légumes. J'ai lu un bouquin là-dessus. Et c'est quand même... à la base, la ritaline, c'est une enfête. Il y a un labo qui avait trouvé une enfête. Ouais. Ils ont d'abord essayé sur les adultes, parce qu'il fallait, dès qu'ils trouvent une molécule, il faut bien que... On va marcher. Ouais. Aucun marché, ça va marcher sur les adultes. Ouais. Et ça a marché sur les enfants. Ouais. Et c'est un crime. Hein. Ouais. Oui, mais je reste quand même toujours étonné combien il y a peu de débats publics sur ce genre de choses. Tu peux quand même trouver des millions de personnes qui protestent contre la corruption des hommes politiques, mais sans raison. Mais difficilement, tu trouveras des millions de personnes qui vont protester contre le fait de créer des enfants légumes ou qui vont donner l'assaut contre le laboratoire. C'est la même chose avec les toxicomanes. Qu'on met sous méthadone ou sous Subutex, qui est une drogue qui est bien plus... addictive que l'héroïne elle-même, qui rentre dans une phase où ils ne peuvent plus jamais sortir de la dépendance à un produit de substitution. Ouais. Ils sont fermés à vie dans la substitution. Mais ce qui est important, c'est les profits des labos. C'est normal. Les médicaments qui ne rapportent plus rien, ils les retirent du marché. Ou ils vont les vendre aux Africains. Oui, bah évidemment. C'est les niches, hein. c'est la loi de la valeur qui s'applique au Médoc, c'est pour ça que... Oui, évidemment, c'est une question des profits, mais évidemment, il y a aussi une prise de conscience plus ou moins vague de ce qui arriverait dans la société si on réussissait vraiment à abolir toute consommation de drogue ou de psychotropes. Ça serait probablement... Il y aurait des révoltes. Oui, ce serait... Oui. Ce serait peut-être une expérience à faire, si on avait la possibilité de le faire. Mais... Je crois même de l'avoir lu quelque part, peut-être un roman, une proposition de ce genre. De toute manière, si ce n'est pas un auteur comme Ballard qui l'a fait, il aurait très bien pu le faire. Non, d'imaginer qu'est-ce qu'il arrive, je ne sais pas, dans une ville où tout d'un coup, par exemple, il n'y a plus de cocaïne qui arrive, ou plus aucune forme de médicament. Donc, ce serait vraiment un sujet pour un roman de Ballard, non? Ouais, puis, ça fait très Millennium People. Ça ressemble à ces derniers. Ouais. Si on parle des médocs, par exemple, les toubibs, quand ils reçoivent des gens qui perdent leur boulot, qui sont au chômage, ou qui savent que s'ils sont au chômage aujourd'hui, ils risquent de le rester définitivement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur filent des médocs. Donc les gens, ils sont encore plus barges après. Et c'est tout. La solution, c'est les médocs. Des antidépresseurs, et après... c'est tout ce qu'ils ont comme solution, les médecins. L'assistance, l'assistance chimique, l'accompagnement. Surtout en France. C'est la pharmacologie. Mais qui tourne. C'est-à-dire fou ici, comment ils donnent les médicaments pour marcher. Il y a aidé Sanofi Aventis. C'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes pratiques en Allemagne, par exemple, où il y a beaucoup moins de produits. Pas en Norvège non plus. Ici, on te donne des médicaments pour n'importe quoi. C'est un pays où l'industrie chimique est importante. Et ils vendent aux autres. Ils vendent aux autres. Et les coûts leur produit. Oui, de toute manière. Évidemment, il existe beaucoup d'études sur tout ce... justement, sur l'empoisonnement quotidien, sur l'industrie pharmaceutique. Justement, donc, pour moi, donc, un peu le sens de notre séminaire, de ma recherche, justement, de ne pas ajouter d'autres connaissances particulières, donc, parce qu'il existe énormément de bonnes études sur ça, mais justement, de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, justement, de tenter de comprendre pourquoi aussi toutes les propositions faites en bonne foi pour en sortir en général n'ont pas d'effet parce qu'en certaine manière, ils n'arrivent jamais aux véritables causes. Par exemple, de dire seulement, par exemple, il existe c'est le désir de profit de l'industrie pharmaceutique. Par exemple, ça n'apporte pas assez loin. Par exemple, même si on pouvait fermer toute l'industrie pharmaceutique, il est clair que cela ne serait pas une solution. Tandis qu'il existe, par exemple, une situation sociale où les individus sont tellement surchargés d'attentes, par exemple, ils trouveront toujours quelque chose qui les aide à supporter leur situation. Hein. Et voilà pourquoi justement le problème de presque toute critique sociale aujourd'hui, de rester toujours dans le parcellaire, de rester toujours dans une idée où il faut réformer les banques, où il faut diffuser la nourriture bio, où il faut donner une autre éducation, etc. On ne réussit presque jamais à penser toutes ces choses ensemble. Ensemble ne veut pas dire les additionner, mais les comprendre. Pourquoi on ne va pas en sortir durablement si on ne s'attaque pas aux formes de médiation sociale? Donc autant qu'évidemment, chaque élément concret n'est que pratiquement le représentant casuel d'une somme d'argent, pratiquement on ne va jamais en sortir. Donc si on ne réussit pas, à certaines manières, évidemment comme un véritable phénomène de civilisation, à revenir à une situation où c'est le concret qui prime sur l'abstrait. Je pense qu'on frappe à la porte. Et donc on se voit donc dans 2 semaines, toujours à cette heure-ci, hein, si je ne me trompe pas.